Audiomatique. We'll be right back. La transmission 028 d'Audiomatique s'ouvrait avec l'artiste français Vitalik, de qui nous entendions la composition « Trahison » tirée de son premier album « OK Cowboy ». Cette pièce a été entre autres utilisée pour la bande-annonce du film « Naissance des pieuvres » et dans le film « Le premier cercle » ainsi que plus récemment dans le film « Les combattants ». Parfois, il faut sortir des conventions établies et s'ouvrir l'esprit pour découvrir de nouveaux plaisirs sonores. C'est cet état qui guide les électronistes, tout comme plusieurs des artistes que nous présentons au fil des transmissions d'Audiomatique. Nous tentons tant bien que mal de dénicher, à travers l'histoire de la musique électronique, des compositions qui sortent de l'ordinaire et des compositeurs qui bousculent les façons de faire. Sans attendre, lançons la prochaine séquence musicale avec une collaboration entre deux artistes australiens bien connus, soit Peter Burke et David Trussell, respectivement membres des formations Dead Can Dance et Snug. Dans les années 1990, ils ont collaboré au sein du projet Soma, duquel nous écoutons la pièce Baal, tirée de l'album The Inner Cinema.

Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de Scorn, le projet de l'artiste Mick Harris. Cet ex-batteur de la formation Napalm Death a débuté ses expérimentations dans un style dub et trip-hop au début des années 90 avec son projet Scorn, dont les sonorités ont rapidement fait école dans le milieu de la musique électronique. La pièce Exodus que nous écoutions se retrouve sur l'album Evanescence sorti en 1994. C'est un album qui est en fait une transition entre les débuts de Scorn où c'était un style qui s'apparentait davantage à des groupes comme Godflesh, donc plus industriel, metal. Et bon, après, c'est là qu'il a vraiment débuté à faire du trip-hop et du dub. Donc, l'album Evanescence, comme je disais, un album de transition dans la discographie de Scorn. Et c'est aussi un album qui est considéré par plusieurs comme le plus accessible de sa discographie. Avant cela, nous entendions le projet Soma, issu de la collaboration entre les artistes australiens Peter Burke et David Trussell. Ceux-ci nous offraient leur composition Baal, qu'on retrouve sur l'album intitulé The Inner Cinema, un album qui est paru en 96. Allons-y maintenant avec un segment formé exclusivement de groupes originaires de la France avec Opéra Multisteel à Audiomatic. Jamais de parapluie noir ouvert sur la rue, sur la mort. La mort qui m'a saisi et serré très fort, fermant soudain le volet de l'espoir. Espoir qui claque dur et qui sommeille depuis un siècle sans réveil. Jardin botanique, entrée publique. Quelquefois je ressens cette apesanteur. Jardin botanique, entrée publique. Quelquefois je ressens cette apesanteur. Déplacement, renfoncement pour un jour être je ressens. fou d'Indie Rock. C'est fou, 89.1. Tout juste avant la publicité, nous entendions à Audiomatic le duo français Ab Ovo, formé de Jérôme Chassagnard et Régis Baillet, qui nous présentaient leur composition Hémisphère de leur album Mouvement. Ce duo était précédé de Para One, le projet du français Jean-Baptiste de Laubier, et la pièce Ski Lesson Blues de son premier album Épiphanie. Et pour débuter la séquence, le groupe français Opéra Multisteel nous offrait la chanson Jardin botanique, tirée de leur album Cathédrale, paru en 1985. Poursuivons maintenant avec une séquence composée de trois pièces un peu plus éclatées. Tout d'abord, la formation japonaise DRP, active seulement au tournant des années 90, se fait entendre avec une pièce sortie de leurs archives, une pièce qui est exclusive à la compilation Old School Electrology. Voici donc Electro Pussy. Money, money, there, yeah, yeah. Girl, sing.

Cette séquence concluait avec Shift, une formation obscure qui a produit seulement un album en vinyle ainsi qu'un maxi en 90 et 91. La pièce Wedding que nous avons entendue se trouve aujourd'hui sur l'album Electrofix qui consiste en une réédition des pièces de Shift. Cette réédition s'inscrit dans le cadre de la série All Time Classics Collection produite par l'étiquette de disque Infected Records. Avec cette série qui compte à ce jour 33 parutions, il s'agit de faire sortir de l'ombre différentes formations plus ou moins connues ayant évolué pour la plupart à l'aube des années 90 et dans les styles EBM, New Beat et Synth Pop. Avant Shift, nous écoutions la formation Adult avec la pièce Red Herring, une pièce qu'on peut retrouver sur leur avant-dernier album intitulé Why Bother, un album qui a été publié en 2007. Et pour commencer, la formation japonaise DRP nous offrait Electro Pussy, une pièce exclusive à la compilation Old School Electrology Volume 1. Puisque la fin est inéluctable, nous nous devons de lui laisser la place qui lui revient. Mais avant de nous effacer des ondes jusqu'à mercredi prochain 18h, nous vous ferons entendre une dernière pièce qui sera l'œuvre de l'artiste allemande Marit Posch, qui s'exécute musicalement sous le pseudonyme d'Amero. Elle terminera la transmission 028 avec la pièce Gestern Morgen, à laquelle a collaboré Nevis Peak. Voilà donc qui conclura de belle façon l'émission de ce soir. Notez que si votre horaire ne vous permet pas d'écouter Audiomatique en direct le mercredi soir, vous avez toujours la possibilité de l'écouter en rediffusion le samedi à 20h. Et si vous n'êtes pas disponible à ni l'un ni l'autre de ces moments, les électronistes vous invitent à visiter la page Facebook de l'émission à Audiomatique CFOU, ce qui vous permettra d'avoir accès à toutes nos anciennes transmissions. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques minutes. Mais tout juste avant, voici D'Amero avec la chanson Gestern Morgen. À la semaine prochaine. Liegt nur das Jetzt und da mein Dasein.